ce que fut mon enfance. Je n'ai plus de souvenirs. C'est peut-être que la chance ne m'offrit pas de plaisir. Et chaque jour qui se lève ne m'apporte aucun espoir. Je n'ai même pas de rêve quand luit l'étoile du soir. Moi je m'ennuie, c'est dans ma vie une manie, je n'y peux rien. Le plaisir passe, il me dépasse, en moi sa trace ne laisse rien. Partout je traîne comme une chaîne, ma lourde peine sans autre bien. C'est dans ma vie une manie, moi je m'ennuie. Par de longs vagabondages, j'ai voulu griser mon cœur. Et souvent, sur mon passage, j'ai vu naître des malheurs. Sur chaque nouvelle route, à l'amour j'ai dû mentir. Et le soir, lorsque j'écoute la plainte du vent mourir, moi je m'ennuie. C'est dans ma vie une manie, je n'y peux rien. Le plaisir passe, il me dépasse, en moi sa trace ne laisse rien. Partout je traîne comme une chaîne, ma lourde peine sans autre bien. C'est dans ma vie une manie, moi je m'ennuie.